Chapitre 11e, Ultima Ratio. Le procès en séparation de corps se passait entre avoué et avocat. Armande n'eut pas à comparaître en personne. Elle en eut d'ailleurs été incapable. Malgré son énergie, ses forces l'eussent trahi. Il arrive un degré d'inquiétude et d'anxiété où la volonté perd sa puissance. L'enfant malade, la mère, trouve le courage de lutter contre la mort, et jour par jour, heure par heure, minute par minute, de combattre en ne reculant que pied à pied. Le dernier souffle, exhalé, elle se colle sur la bouche du pauvre petit et veut encore faire passer en lui la vie qui est en elle. Mais là, que pouvait-elle faire? Quelle lutte entreprendre? Il est des miracles contre la mort, mais contre la loi. Cependant, Martel s'efforçait de la rassurer. Il était impossible qu'on remît les enfants à Maurice, tel que le tribunal le connaissait d'après la plaidoirie de Favas. L'ordonnance du président était un précédent en leur faveur. Le jugement lui-même, si terrible, devait leur donner de l'espoir. C'était au minimum de la peine qu'ils avaient été condamnés. Les dommages-intérêts ridicules à Maurice montraient que le tribunal voyait clair dans sa spéculation. Mais comment l'eût-il persuadé alors qu'il ne se persuadait pas lui-même? Le jour du jugement, dans son impatience, il voulut venir au tribunal pour savoir plus tôt le résultat, mais il n'y put pas rester. « Je vais dans le jardin, » dit-il à tête vide. Aussitôt le jugement rendu, voudrez-vous me prévenir? Autour du palais de justice s'étendait le jardin de la ville, mal soigné, presque abandonné, toujours désert. Pendant une heure, il tourna sur lui-même, dans une petite allée en charmille, marchant vite, allant, venant, tâchant d'user sa fièvre par le mouvement. Puis, de guerre lasse, il s'assit sur un banc. Il était là depuis quelques instants, lorsqu'il entendit un bruit de voix derrière lui. Un homme et une jeune femme. Par goût, il n'était ni curieux ni indiscret. Il ne prêta donc aucune attention à ce que disaient ses voisins. Cependant, quelques mots le frappèrent malgré sa préoccupation. Se croyant seul, il parlait librement. « Avais-tu donc pensé que cela pouvait durer toujours ?» disait l'homme. « Est-ce que je pensais? Je t'aimais. Je me disais bien autrefois que tu m'abandonnerais peut-être un jour, mais quand le petit a été né, il me semblait... « Je vais acheter une charge à Rambouillet. Je ne peux pas t'emmener. Pourquoi »« Pourquoi ?» Je ne te demande pas à être ta femme. Nous serions comme ici, je travaillerais, tu verrais le petit. Ce n'est pas possible. Si on découvrait que j'ai un enfant, ça serait du propre, ça me donnerait joliment des affaires. Pourquoi ne me dis-tu pas franchement que tu veux te marier? Eh bien, quand ça serait vrai, crois-tu que je peux payer ma charge sans une femme? Et le petit? Je t'enverrai 50 francs tous les mois. Est-ce que je te demande de l'argent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voyons, dis-le toi-même. Ainsi, pensa Martel, en écoutant ces paroles sèches chez l'homme, navrées et douces dans la bouche de la jeune fille, voilà un homme qui pourrait élever son fils et qui l'abandonne sans un mot de tendresse ou de regret. Et il se leva. Dans l'état où il était, cet entretien lui faisait mal. Enfin, au bout de l'allée, il vit paraître tête vide. Il courut au-devant de lui, mais à mesure qu'il avançait, l'attitude de celui-ci n'annonçait rien de bon. « Eh bien, » dit-il, en parlant plutôt par un signe désespéré que par les lèvres, « la séparation est prononcée. Les enfants ? Victorine restera en pension jusqu'à 18 ans. Julien, Julien ! Il lui sera remis. » Dans sa longue carrière d'avoué, tête vide avait eu plus d'une fois de mauvaises nouvelles à annoncer à ses clients. Il fut cependant effrayé de l'horrible pâleur de Martel. « Il faut aller en appel, » dit-il pour le rassurer. « Nous gagnerons devant la cour. » Martel fit un geste découragé. Enfin, l'appel est suspensif. 3 ou 4 mois pour que l'affaire vienne. Nous aurons le temps d'aviser, et nous pouvons gagner. » Mais ce dernier mot, il ne le dit pas avec conviction. Et Armande, qui à la maison attendait, il fallait lui porter cette nouvelle. Il partit aussi vite que son trotteur, excité par la bride et le fouet, pouvait aller. Dans des nuages de poussière, les arbres de la route défilaient derrière lui. En traversant le breuil, il faillit écraser un groupe d'enfants qui jouaient sur le pavé et qui, surpris par l'allure de son cheval, n'eurent pas le temps de se ranger. Bien que prudent d'ordinaire, il ne ralentit pas. Vis-à-vis une auberge, 2 charrettes étaient arrêtées et obstruées à la chaussée. Il passa entre elles au risque d'accrocher et de tout briser. Puis, 100 mètres plus loin, il arrêta et mit au pas son cheval, blanc d'écume. Il allait arriver, déjà on apercevait les premiers arbres du Plessis. Que dire? Quoique depuis son départ il se posât cette question, il n'avait rien trouvé. Comment supporterait-elle ce coup? Julien enlevé, Julien remis à Maurice, si elle allait devenir folle. Machinalement, il arrêta tout à fait son cheval. Quelqu'un qui l'eût vu eût pu croire qu'il était fou lui-même. Tout à coup, il abattit son fouet, lâcha tout à fait les rênes et repartit. Son parti était arrêté, cette course lui avait inspiré son projet. Il n'eut rien à dire. Armand vit dans ses yeux, dans son attitude accablée, dans ses lèvres frémissantes, que tout était perdu. Il la reçut dans ses bras. « Du courage, » dit-il, « il ne le prendra pas. »« C'est donc Victorine, » dit-elle. Il lui rapporta le jugement. « Mais alors, demain, tout de suite peut-être, il peut venir nous l'enlever. »« Non, nous avons 10 jours pour appeler, et pendant ces 10 jours, il ne peut rien entreprendre. Puis 3 mois encore s'écouleront avant que l'affaire soit décidée. Mais dans 3 mois, dans 3 jours, nous aurons quitté la France. Nous serons à l'abri de toutes ces tentatives. Et Victorine, Victorine ou Julien, il faut choisir. » Il parlait en père, n'ayant pour unique préoccupation que son fils. Mais elle, elle était la mère de Victorine aussi bien que de Julien. « Que nous restions en France, » dit-il en voyant qu'elle ne répondait pas, « Victorine est toujours perdue pour toi. Elle doit rester dans sa pension. Tu ne peux que la visiter. Dans 3 mois, si nous ne réussissons pas, Julien nous sera enlevé. Et puis, rester en France, c'est vivre séparés. À l'étranger, nous serons tous les trois ensemble. S'il nous poursuit, s'il nous rejoint, s'il recommence un nouveau procès, crois-tu, s'écria-t-il, que je m'exile volontairement et que c'est sans douleur que je quitte cette maison, mes amis, le pays où je m'étais fait un nom? Je m'y résigne parce que je crois que c'est la seule ressource qui nous reste, parce que je t'aime et préfère ton amour à tout, parce que je veux garder mon fils. Où irons-nous? Je n'en sais rien. Trouverons-nous un pays où nous serons à l'abri de ces poursuites? Je n'en sais rien non plus, mais nous serons ensemble et nous verrons bien. S'il faut nous cacher, nous nous cacherons. Le monde est grand. » Que pouvait-elle répondre? Elle ne sentait que trop la justesse de ses craintes. Il n'avait bien qu'un seul moyen d'échapper au danger qui les menaçait et qui, d'un jour à l'autre, pouvait s'abattre sur eux. Fuir. « Tu comprends, » dit-il, « que si nous nous résignons à partir, il ne faut pas attendre. Dans 8 jours, dans quelques semaines, nous pouvons être séparés, emprisonnés, car enfin la prison est là. Il faut donc partir tout de suite. Voilà ce que j'ai arrêté. Nous prendrons après-demain le chemin de fer de l'Est. Et pour ne pas éveiller les soupçons, si par hasard on nous observait, nous nous séparons. Tu partiras par la ligne de Mulhouse avec Julien, je partirai par celle de Strasbourg. À 8 heures du matin, tu seras à Bâle. Je passerai la frontière à Kehl et te rejoindrai à l'hôtel des Trois Mages dans la journée, en faisant le tour par la forêt noire. De Bâle, nous verrons où aller pour être en sûreté. Avec Julien, tu n'auras pas peur, n'est-ce pas ? » Elle dit non, mais ce voyage l'épouvantait. S'il allait être arrêté à la frontière, si on l'arrêtait lui-même, s'il ne la rejoignait pas, il la rassura. Il avait un moyen, à Saint-Louis, de la faire passer pour la femme d'un employé de la compagnie. « Pour que personne ici ne soupçonne notre projet, nous ferons nos malles cette nuit. Demain soir, Hutin les chargera. J'ai confiance en lui. Il partira vers 2 heures du matin et les portera à la gare où nous les trouverons. » Tout cela était bien arrangé, bien disposé, sans doute, mais il y avait une idée qui la tourmentait autrement que tous ces détails matériels. Victorine. Partirait-elle sans l'embrasser? Il prévint lui-même la demande qu'elle ne savait comment lui faire. « Il peut être dangereux que tu vois Victorine, » dit-il, « mais quoi qu'il en puisse advenir, je ne veux pas que tu partes sans l'avoir embrassée. J'irai demain à Villeneuve. Pendant que je serai chez M. Tête-Vide, tu pourras aller à la pension. » Elle n'était pas sortie du Plessis depuis sa condamnation. Lorsqu'elle traversa les rues de Villeneuve, il lui sembla qu'on se mettait sur les portes pour la regarder. En entrant dans le parloir de la pension, elle y trouva Mme Lataste, qui était venue voir sa fille. Elle la salua, mais sans oser aller lui tendre la main comme à l'ordinaire. Madame Lataste lui rendit à peine son salut d'un petit mouvement de tête, et comme sa fille, habituée à embrasser Armande, se disposait à courir au-devant de celle-ci, elle la retint, et se levant aussitôt. « Viens, Jeanne » dit-elle. Puis elle passa devant Armande, comme devant une étrangère qui ne lui aurait jamais été présentée. La pension des sœurs Hochemol était l'ancien château du financier Bonnet, bâti luxueusement sous la Régence. Un parc superbe l'entourait par derrière et s'étendait jusqu'au bois. Devant était une vaste cour. Les grandes récréations se prenaient dans le parc, les petites dans la cour. Lorsqu'Armande arriva, c'était le moment de la petite récréation. Les élèves jouaient dans la cour. Deux pavillons flanquaient la porte d'entrée et se trouvaient ainsi prendre jour sur cette cour. L'un servait de loge de concierge, l'autre de parloir. En regardant par une de ses fenêtres, Armande put voir Victorine, qu'on avait été chercher, se diriger vers le parloir. Elle, qui d'ordinaire courait follement lorsqu'on lui annonçait sa mère, s'avançait à petits pas sans se presser, comme à regret. Elle lui avait apporté des gâteaux et toutes sortes de friandises. Victorine les reçut froidement. « Ah, merci !» dit-elle. Puis sans y toucher, elle posa le tout sur une table. « Tu n'aimes donc plus les gâteaux ?»« Je ne sais pas, on n'en mange pas ici. » « Il y a une galette de sarrasin que Marie-Ange a faite exprès pour toi, et Julien t'envoie les deux abricots de son abricotier. »« Ah, il est content, Julien, il ne s'ennuie pas de moi. Il parle de toi tous les jours. » Armande était surprise de la fixité du regard de Victorine, qui, au lieu de l'écouter, ne quittait pas les fenêtres des yeux. En dehors de ces fenêtres se collaient continuellement des têtes de jeunes filles qui regardaient dans le parloir et s'en allaient ensuite. Tout à coup, Victorine quitta sa mère, défit les embrasses, laissa tomber les rideaux et les ferma. « Pourquoi plisses-tu donc ces rideaux? Pour qu'on ne vienne pas nous regarder comme ça? » « Eh bien, qu'est-ce que ça fait ?» Au lieu de répondre à cette question, Victorine se jeta dans les bras de sa mère et l'embrassant à pleines lèvres. « Oh, je t'en prie, » dit-elle en pleurant. « Emmène-moi, maman, emmène-moi d'ici !» Armande était stupéfaite de ce brusque changement, de cette inexplicable tendresse après cette inexplicable froideur. Elle lui rendit ses caresses, mais tout en croyant un peu que c'était là une de ses scènes apprêtées, comme elle en avait déjà tant joué. « Tu t'ennuies ? » fit-elle. « Emmène-moi, emmène-moi tout de suite !» recommença Victorine, en sanglotant plus fort. « Je t'en prie, maman, emmène-moi !» Pendant plusieurs minutes, elle ne fit que répéter ce même mot au milieu de sanglots et de soupirs. Qu'avait-elle donc ? Hélas ! Que ne pouvait-elle l'emmener ? Car, quoi qu'elle eût, que ce fût sérieux ou puéril, cette douleur était sincère, ses cris et ses sanglots n'étaient pas une comédie d'enfant. Par de douces paroles, l'embrassant, la caressant, elle tâcha de la calmer. « Voyons, pourquoi veux-tu que je t'emmène ? Parce qu'on se moque de moi, parce qu'on a honte de moi, parce que tu vas aller en prison et que les enfants des gens qui vont en prison, on les méprise. » Armande avait été bien éprouvée, bien frappée. Ce coup fut le plus atroce qu'elle eût encore reçu. « Sa fille !» C'était pour cela qu'elle était venue si lentement, c'était parce qu'elle rougissait d'elle, qu'elle avait fermé les rideaux. La pauvre enfant, elle-même, était bafouée, méprisée par ses camarades, et elle ne pouvait pas l'emmener. Marie Blanchard, continua Victorine, sans sentir ce qui se passait dans le cœur de sa mère, a eu la rougeole. Elle a été chez son père. Le premier jour qu'elle est revenue, on devait jouer à la dame. C'était moi qui faisais la dame, et je recevais les visites. Mais voilà que Marie Blanchard, qui dit qu'elle ne veut pas que je fasse la dame, que je l'ennuie avec mes manières, et que quand on a une mère qui va en prison, on ne fait pas sa fière. Là-dessus, moi je lui flanque une gifle et lui dis que ce n'est pas vrai, et que maman ne va pas en prison. Elle n'est pas brave, Marie Blanchard, elle a 3 ans de plus que moi, elle ne m'a pas rendu ma claque. Mais elle a expliqué que ce qu'elle avait dit était vrai, qu'elle le savait bien, parce que c'était son père qui était l'avoué de mon papa Berthaud, et que c'était lui qui avait fait condamner maman à la prison. J'ai répondu que ce n'était pas vrai, parce que mon papa Berthaud était mort. « Ah oui, mort, qu'elle a dit. On t'a fait croire ça, petite gosse, parce que ta maman avait pris un autre mari qui n'était pas son mari. » Alors moi, comme je savais bien que ça c'était vrai, je n'ai pas répondu et j'ai pleuré. Et depuis ça, on ne veut plus jouer avec moi. Armande avait écouté ce récit presque sans l'entendre, quoique chaque mot lui retentît dans le cœur. Blessée dans sa dignité de mère, humiliée dans sa pudeur de femme, courbée sous ses coups répétés, anéantie. « Vrai, » dit-elle en relevant la tête, « tu savais. Quoi ? Que papa Martel n'était pas ton mari, que tu n'étais pas mariée. Quand papa Martel me grondait et me punissait, je savais bien qu'il n'avait pas le droit de me punir. » Dans l'horrible douleur d'Armande surgit un mouvement d'indignation. « Qui t'a dit cela ? » s'écria-t-elle. « Oh maman, tu me fais peur. Non, mon enfant, n'aie pas peur. » « Parle, qui t'a dit ce que tu répétais là tout à l'heure? Parle, je t'en prie. » « Eh bien, c'est Madame Pigache. Un jour que j'étais dans son jardin, elle se querellait avec mon cousin Pigache. Il lui disait en faisant des grands bras, « Je suis sûr qu'elle n'est pas mariée, et leur Julien n'est qu'un bâtard. » J'ai bien compris que c'était de toi qu'elle parlait, parce que mon cousin dit en se donnant un coup de poing sur la tête, « Malédiction. Si tu n'avais pas fait de moi une poule mouillée, j'irais tout de suite m'en expliquer avec Martel pour te clore la bouche. » Alors elle a dit, « Toutes les explications que tu as la bêtise d'avaler n'empêcheront pas que j'ai entendu ce que j'ai entendu. » Ainsi, c'était là la cause du changement qui s'était fait dans Victorine. Maintenant, elle comprenait tout, ses questions étranges, ses silences mornes, sa jalousie, toute cette vie inexplicable. La pauvre enfant, comme elle avait souffert. Elle la saisit vivement, et longtemps elle la serra dans ses bras. « Ah, tu m'aimes bien, » dit Victorine, « emmène-moi. » Après tout, pourquoi ne l'emmènerait-elle pas, comme elle le demandait? Qu'allait-elle devenir, la chère petite, dans cette pension où chacun en faisait son jouet et sa risée, où elle n'avait pas une amie pour la défendre, où elle était méprisée, où elle serait pour toujours au nid? C'était pour que son caractère se modifiât qu'elle avait été mise en pension. Mais maintenant que la vérité était connue, ne devait-on pas lui être indulgent? Martel le comprendrait assurément. L'emmener à l'étranger, être tous les quatre réunis, si c'était possible. Elle réfléchit durant quelques instants. Est-ce que l'enlever à son père, c'était une faute? À ce père qui l'avait abandonné, qui depuis son retour n'était pas venu la voir, qui ne la réclamait que pour profiter de sa fortune? Eh bien oui, dit-elle, je vais t'emmener, va t'habiller. Pendant ce temps-là, je demanderai à Mademoiselle Hochemol la permission de te faire sortir. Ce fut Madame Hochemol, l'aînée, une vieille fille, grande, sèche, à lunettes, qui la reçut. Quand Armande était venue la première fois avec Martel, elle l'avait trouvée la plus aimable des vieilles filles. Elle la trouva roide et réservée. Elle lui exposa sa demande. Elle désirait emmener Victorine pour 2 jours. Elle la ramènerait le surlendemain. « Madame, répondit Mademoiselle Hochemol, vous êtes la mère de l'enfant, cela est bien certain. C'est vous qui me l'avez confiée. » Mais au-dessus, il y en a une plus puissante, celle de la loi. C'est devant la loi maintenant que nous répondons de Mademoiselle Berthaud. Nous ne pouvons vous la confier. Il m'est pénible de vous faire cette réponse, mais vous devez la comprendre. Observation, prière, tout fut inutile. Mademoiselle Hochemol s'enferma dans son devoir. Victorine, habillée, attendait sa mère dans la cour. Mademoiselle Hochemol ne veut pas te laisser sortir. Tu es ma maman, tu es la maîtresse, emmène-moi. Elle se cramponna à la main de sa mère. Mademoiselle Hochemol, qui avait accompagné Armande, voulut faire intervenir son autorité. « Vous, vous êtes très méchante, » dit Victorine. « C'est maman qui est maîtresse. » Armande essaya de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait rien sans le consentement de Mademoiselle Hochemol, mais l'enfant ne comprit rien. « C'est parce que tu aimes mieux Julien, » cria-t-elle. « Maman, je t'en prie, je t'en prie !» La colère de Victorine était terrible. Elle trépignait et ne lâchait pas la main de sa mère. Mademoiselle Hochemol fut obligée de lui faire ouvrir les doigts de force. « Partez, madame, partez, » dit-elle à Armande. Armande avait la tête perdue, le cœur déchiré. Mademoiselle Hochemol, qui avait mis Victorine dans les bras d'une sous-maîtresse taillée en gendarme, la poussait vers la porte. « Vous reviendrez dans 2 jours, » disait-elle, « l'enfant sera plus calme. » « Dans 2 jours. » Et le lendemain, elle partait sans savoir si elle la reverrait jamais. Insensiblement, elle se trouva dans la rue. La porte se referma sur ses talons. Par-dessus le mur, elle entendit encore la voix de Victorine. « Maman, maman !» criait l'enfant. Elle se sauva en courant. Les gens qui la virent passer disaient « Voilà une folle !» De tous les gens employés à la ferme, Hutin était celui qui inspirait le plus de confiance à Martel pour emporter à Paris les bagages sans provoquer la curiosité et les soupçons. Il était intelligent et adroit dans ces sortes de commissions. D'ailleurs, il avait donné d'assez grandes preuves de son dévouement pour qu'on pût se fier à lui. Puisqu'il fallait s'ouvrir à quelqu'un, mieux valait lui qu'un autre. Martel lui expliqua ce qu'il fallait faire. Charger les malles à minuit dans la carriole, les porter à Paris à la gare du chemin de fer de l'Est, les déposer à la consigne au nom de M. Grandin. Hutin écouta attentivement, puis, quand Martel eut fini de parler, il secoua la tête. « Vous ne voulez pas aller à Paris ? Ah, notre maître ! Eh bien, pourquoi secouez-vous la tête ? Parce que je vais vous dire. Mais avis, si je peux me permettre ça, que vous voulez filer avec Madame et M. Julien. Ça se comprend bien. Il y a longtemps que je me dis, moi, comment que le maître ne s'en va pas et reste là à les attendre. Quand on a le sac, on est bien partout, aussi bien là qu'ici. Pour sûr, mieux en liberté dans le plus chien des pays que dans la plus belle des prisons. Pour lors, vous ne voulez pas qu'on voie emporter les malles, rapport aux gens qui pourraient jaser. Mais si je les charge à minuit, les charretiers se lèveront, les bonnes voudront savoir ce que la carriole fait dans la cour. Comment faire autrement? Ah, voilà. Si vous vouliez, je partirais avec la carriole après souper pour aller à Villeneuve. J'y resterai à flâner. J'en repartirai sous le coup de 11 heures. Je reviendrai tout doucement. Arrivé aux 4 chemins, j'attacherai la jument à un arbre et je viendrai par la porte du jardin chercher les malles. Je ferai autant de voyages qu'il faudrait. je les chargerai là-bas. Vous savez bien qu'on a l'air un bon. En retirant mes bottes, je ne ferai pas de bruit. Comme ça, dans la maison, personne ne se douterait de rien. » Cette combinaison était certainement préférable. Elle n'était dangereuse que si Hutin profitait de son séjour à Villeneuve pour donner avis de cette fuite ou pour en parler imprudemment. Mais Martel n'eut pas cette crainte. « Soit, dit-il, faites ainsi. » Cependant, Hutin ne bougea pas. Il tournait et retournait son vieux chapeau de paille entre ses mains avec embarras. « Il y a encore quelque chose qui vous tourmente ?» demanda Martel. « Oui, et rudement. Voulez-vous m'emmener avec vous ? N'importe où vous serez, vous aurez besoin d'un homme pour bêcher votre jardin. Prenez-moi. J'ai peur de rester ici tout seul. Vous étiez pour moi comme le père, quoi. Et il n'y avait pas de danger. Mais quand vous ne serez plus là, avec les autres, qui me regarderont de travers. » Martel fut ému de ce cri que sa brutalité ne rendait que plus sincère. Mais ce que Hutin demandait était impossible. Il le lui fit comprendre. Bien que les terres et les récoltes soient vendues au prince de Coy, j'ai encore des intérêts ici, vous les surveillerez. Moi ? Oui, j'ai confiance en vous. Oh, notre maître ! Vous en rendrez compte au notaire de Villeneuve. Dans quelques mois, si cela se peut, je vous écrirai de nous rejoindre. Je n'oublierai jamais que vous avez risqué votre vie pour nous. » Hutin n'avait pas le cœur précisément très tendre. Cependant, deux grosses larmes lui coulèrent sur les joues. Des intérêts d'argent, à lui. Il était donc redevenu un homme. La nécessité d'emballer elle-même tout ce qu'elle voulait emporter avait heureusement usé, dans un travail matériel, la fièvre et l'excitation nerveuse d'Armande. Mais lorsque les malles eurent été enlevées par Hutin, il restait toute une journée entière avant de quitter le Plessis. Elle fut mortelle à passer. Il n'avait rien à faire. L'inquiétude les crispait. L'effroi toujours terrible de l'inconnu leur étreignait le cœur. Et il fallait attendre dans cette maison qu'il ne reverrait peut-être jamais. C'était la dernière journée qu'ils passaient dans cette maison, où depuis cette année ils avaient passé tant d'heureux jours, où chaque meuble gardait un souvenir. Maintenant il fallait la quitter, sans savoir où il s'arrêterait. Autour d'eux, par un contraste cruel, tout était dans l'affaire mouvement et gaieté. On rentrait les premiers foins, les faneurs allaient et venaient en chantant. Le déjeuner fut rapide. Seul, Julien, avec l'insouciance de son âge, mangea de bon appétit. « Es-tu gourmande ? » dit-il à sa mère. « Tu ne manges pas pour mieux dîner à Paris ? Moi aussi, j'y mangerai bien à Paris, parce que le restaurant, c'est amusant. » La cuisinière vint demander ce qu'il fallait préparer pour le lendemain. « Rien, » dit Armande. Mais sur un regard que Martel lui lança, elle ordonna cette journée du lendemain qui ne devait pas la voir au Plessis. Ils voulurent se promener dans le jardin, lui dire un dernier adieu. Il était dans tout l'éclat de la beauté de l'été commençant. Les gazons, qui n'avaient pas encore été desséchés par les grandes chaleurs, étaient d'un vert velouté. Dans toutes les corbeilles s'épanouissaient toutes les fleurs de la saison. L'air était embaumé du parfum des roses et des œillets. Et la brise détachait des grands arbres, des marronniers, des acacias, des citises, un tourbillon de pétales qui voltigeait en tournoyant. Sur les pelouses, les plantes tropicales, les bananiers, les cannes de l'Inde, les papyrus, balançaient agités par le vent leurs grandes feuilles pittoresques. Il fallait quitter tout cela. C'était le mot qui, à chaque pas, leur venait sur les lèvres, mais qu'ils ne disaient ni l'un ni l'autre. Lorsqu'ils passèrent devant la serre, le jardinier les appela. « Si madame voulait voir le raisin, dans 8 jours j'espère en servir, l'année sera précoce. » Dans 8 jours. Il devait partir du Plessis à 3 heures, dîner à Paris et prendre le train express de 8 heures du soir. Armande voulait aller voir 2 femmes à qui elle donnait des secours et qu'elle faisait vivre. Que deviendrait-elle quand elle ne serait plus là? Il la laissa aller. Ce serait toujours du temps de passer. Pour ce qu'il ressentait en lui, il comprenait combien le temps était lourd pour elle. « Donne-leur peu, lui dit-il. Dans 2 jours, nous ferons parvenir à l'abbé Blavier la pension que tu leur sers toutes les semaines. Si tu leur donnais trop, elles iraient bavarder. Et l'on pourrait se demander ce que signifie cette générosité insolite. Tâchons de n'éveiller les soupçons à rien. Quoique maintenant nous n'ayons plus rien à craindre, soyons prudents jusqu'à la fin. » Il était depuis 1 heure occupé à brûler des lettres et des papiers dont il ne voulait pas laisser de traces lorsque Marie-Ange se précipita dans l'atelier. « Monsieur, voilà Monsieur Berthaud, il me suit. »« Berthaud, dans cette maison » Venait-il accomplir les menaces qu'il avait faites ou venait-il proposer une transaction? Il n'eut que le temps de se poser ces questions sans les examiner. Maurice entra. Il s'est élevé. Maurice arrêta la porte et tous deux se regardèrent durant quelques secondes sans parler. Ce fut Maurice qui le premier rompit le silence. Martel était trop ému, trop affolé de colère pour trouver un mot. À la vue de l'homme qui voulait lui prendre celle qu'il aimait, qui voulait lui enlever son fils, ce n'étaient pas des paroles qui lui venaient aux lèvres, c'étaient des tressaillements qui le poussaient vers lui et lui contractaient les poings. « Je connais les habitudes de Marie-Ange, » dit Maurice. « Vous permettez ?» En même temps, il ouvrit la porte par laquelle il était entré. Marie-Ange était collée contre, prise en flagrant délit, elle recula. « Plus loin, » dit Maurice, « reculez jusqu'à la cuisine. » Martel trouva le temps de se remettre, mais il était loin du calme que montrait Maurice. « Maintenant, » dit celui-ci en refermant la porte, « causons. Il est donc vrai que vous voulez partir ?» Martel fit un geste bien plus de surprise que de négation. « Vous ne voudriez pas dire non. D'ailleurs, ce serait inutile, je ne vous croirais pas. Vos bagages ont été enlevés cette nuit. Je prévoyais si bien cette conclusion à toutes nos affaires que j'avais pris mes précautions. Si je n'étais pas ici, on veillait pour moi. Et on n'embarque pas tout un chargement de mal à minuit sans avoir des intentions de voyage. Eh bien, il ne me convient pas que vous partiez. Vous pouvez nous dénoncer à la police, cela vous complétera. Eh bien non, il ne me convient pas de vous dénoncer. Ce serait cependant ce que je devrais faire. Mais je suis là à la fin de cette guerre de procédure. Bidons nos affaires ensemble, face à face. Il est bien tard. Oui, n'est-ce pas? Cela vous eût bien mieux arrangé tous les deux, si en rentrant en France, j'étais venu ici vous dire. Tu m'as pris ma femme, battons-nous. Non, car lors même que je vous aurais tué, ma vengeance eût été trop bête. Aujourd'hui, si je vous tue, vous mourrez en sachant que votre fils est entre mes mains. Si vous me tuez, vous serez séparés par la prison, et votre fils portera mon nom. J'aime mieux ça. Vous parlez de vengeance. Je n'en ai pas le droit, peut-être. Je ne dis pas pour ces dernières années. Vous m'avez cru mort, c'est bien. Mais qui a profité de l'amitié pour m'enlever le cœur de celle qui m'aimait? Je la trompais, c'est possible. J'avais une maîtresse. Eh bien, après, c'était la jeunesse qui m'emportait. Quand la raison m'a tombé sur la tête, si j'avais retrouvé ma femme, mon enfant, qui peut dire si je ne me serais pas retrouvé moi-même? Vous m'accusez d'avoir fait le mort, d'être resté à l'étranger. Que serais-je venu faire en France? Pour qu'on me montre au doigt, pour qu'on dise dans mon dos, c'est le mari de la femme de Martel? Je connais ces discours, dit Martel dédaigneusement. Je les ai entendus il y a 8 ans. Si c'est pour les répéter que vous venez ici, vous pouviez vous épargner ce voyage. Non, je viens pour du nouveau. En me voyant vous traduire en police correctionnelle, vous vous êtes dit, c'est bien. Si nous sommes condamnés, nous nous sauverons à l'étranger. Et comme par les chicanes de la séparation de corps, par les restitutions de dot et autres comptes, nous le tiendrons en notre pouvoir, pendant que nous nous promènerons en Italie, nous le ferons coffrer en France à Clichy. Ce n'était pas mal imaginé pour des gens qui n'entendent rien aux affaires. Mais vous étiez trompé en croyant que la police correctionnelle serait toute ma vengeance. C'était tout simplement le premier acte. Nous sommes au second, et je viens vous demander si vous êtes prêt à vous battre. Si vous me tuez, ce sera le dernier. Si je vous tue, il y en aura un troisième, puisque je tiens votre fils. » Martel s'avança vers lui. Il était blême. Ses menaces contre Julien, cette vengeance si cruellement calculée, faisaient à la fin éclater sa fureur. « Si je veux me battre, » s'écria-t-il, « oui, et je veux vous tuer. N'attendez pas de ma part générosité ou merci. Je vous jure, si le sort me favorise, de tirer sur vous comme sur une bête dangereuse. Eh bien, cette franchise me met à l'aise, » dit Maurice, sans se déconcerter. « Je vous promets de vous rendre l'appareil. Aussi bien un de nous deux est de trop en ce monde. Le sort dira lequel. » À ce moment, la porte s'ouvrit violemment poussée et Armande entra. D'un bond, elle fut auprès de Martel. « Oh non, jamais !» s'écria-t-elle, « jamais !» Maurice fit un mouvement, mais presque aussitôt avec une ironie affectée. « Avez-vous donc envoyé chercher madame ? » dit-il. « Nous aurons bien du mal à nous entendre alors. » Il eut un long moment de silence, terrible pour Armande. « Ce n'est pas Armande, » dit enfin Martel en la prenant par la main, « qui me conseillera une lâcheté. » Elle le regarda durant quelques secondes et ne dit rien, mais sa main tremblait horriblement. « Vous pouvez continuer, » reprit Martel. « Je n'ai plus rien à dire. C'est à nos témoins de régler le reste. Que les vôtres s'entendent donc avec Liénard. Il demeure maintenant rue Lord Byron. » Il se dirigea vers la porte. Martel sentit qu'Armande voulait s'élancer après lui. Il la retint de la main et du regard. « Ah, un mot encore, » dit Maurice. « Je suis payé pour n'avoir pas confiance. Votre parole d'honneur que vous ne fierez pas. Mettez un espion à ma porte, si vous avez cette crainte. » Il sortit. « Ah, je t'en conjure » s'écria-t-elle en serrant Martel dans ses bras. « Ne veux-tu pas me soutenir ? Mais si tu es tué, si tu le tues !» Malgré toute l'envie que j'en avais, je n'ai pas été le provoquer. Que puis-je maintenant ? Veux-tu donc que je me déshonore ? Elle tomba affaissée. Son cœur, sa tête, éclataient. Le prince avait voulu être un des témoins de Martel, Gaillot était l'autre. Les témoins de Maurice étaient Liénard et un officier de cavalerie. Ces messieurs avaient arrêté les conditions du duel. Il avait été décidé que la rencontre aurait lieu dans le bois de Vaubuisson. C'était le prince qui avait fait choisir ce bois. Il lui appartenait, ce qui promettait qu'on ne serait pas dérangé par les gardes, et il avait l'avantage d'être à une courte distance du Plessis. Maurice et ses témoins devaient s'y rendre de Paris directement le samedi à 10 heures. Le carrefour de la table avait été indiqué comme rendez-vous. Pour ne pas laisser Armand dans les transes de l'attente, on lui avait dit que le duel n'aurait lieu que le lundi. Martel devait donc partir de chez lui le matin comme pour une course insignifiante et retrouver le prince avec Gaillot à l'entrée du bois dans le chemin du Plessis. Mais cette combinaison était difficile à exécuter car Armande, comme si elle eut de sinistres pressentiments, ne le laissait jamais seul. Lorsqu'il sortait dans la plaine, elle sortait avec lui. Le samedi, lorsqu'elle le vit disposé à partir, elle voulut savoir où il allait. « À Villeneuve, pour m'entendre avec Ted Huit sur le règlement de la communauté. Tu ne m'en avais point parlé hier. »« L'idée m'est venue cette nuit. Je vais aller avec toi jusqu'à l'entrée du pays. Je garderai la voiture. Je vais à pied. La ponette est boiteuse et Philovent n'en peut plus de ses voyages à Paris. Dans 2 heures, je serai de retour. » Il disait cela si simplement et avec tant de calme qu'elle fut trompée. Elle tint à l'accompagner un peu avec Julien. Ah, comme il eût voulu les embrasser tous les deux au moment de les quitter. Les reverrait-il ? Il n'osa pas. Il eut peur de se trahir. « Tu n'embrasses pas Julien ? » dit-elle. Il prit l'enfant dans ses bras et l'embrassa froidement des lèvres, mais comme il le serra sur son cœur. Elle lui tendit la main. Il la pressa à peine. « À bientôt ! » dit-il en détournant la tête. Et il s'éloigna à grands pas. C'était le matin d'un beau jour. Un de ces matins où l'on se sent heureux de vivre. Il arriva le premier à l'entrée du bois. Bientôt il fut rejoint par le docteur Bouchereau qui avait été appelé, et quelques minutes après, le prince et Gaillot parurent en voiture. Comme le prince, après avoir serré la main de Martel, le regardait des pieds à la tête et laissait voir une certaine surprise, « Mon costume vous étonne ? » dit-il, « je l'avoue. » Il portait un pantalon de toile blanche, un gilet pareil au pantalon et une redingote noire. Ce n'est guère une tenue de duel, mais il fallait tromper la pauvre femme. Si je m'étais habillé, ses soupçons seraient devenus des certitudes. Enfin, en boutonnant bien la redingote, nous cacherons les points de mire. Messieurs, dit Martel à Gaillot et au docteur, voulez-vous me permettre de rester un peu en arrière avec le prince ? J'ai quelques mots à lui dire. Que voulez-vous, mon ami ? Demanda M. de Coy. Un dernier service. Si je suis tué, est-ce qu'on marche un duel avec de pareilles idées ? Vous avez la bonne cause, la fortune est avec vous. Enfin, comme je peux être tué, il faut tout prévoir. Si je suis tué, voici mon testament. » Il lui donna une feuille de papier pliée tout simplement en 4. « Vous ne l'avez pas cacheté ?»« Ce n'est pas la peine. Vous pouvez d'autant mieux le lire que je vous fais mon légataire universel. »« Vous n'y pensez pas. Votre femme, votre fils. C'est précisément à ma femme et à mon fils que je pense. Comment leur laisser ce que je possède ? N'est-elle pas la femme ? N'est-il pas le fils de Berthaud ? D'ailleurs, alors même que je le pourrais, Armande, menacée par cet homme, lui donnerait morceau par morceau ma petite fortune pour sauver Julien. C'est donc à vous que je la laisse, pour que vous la rendiez un jour, que Berthaud ne puisse pas en voler un sou. C'est la seule recommandation que je vous adresse. Par les moyens, vous voudrez bien vous entendre avec tête vide. » Maurice et ses témoins venaient d'arriver au carrefour de la table. « Messieurs, dit le prince après les salutations, si vous voulez me suivre, je vous servirai de guide. » On prit un chemin de vide coupé d'ornières et de trous. Après 5 minutes de marche sous bois, on arriva à une clairière qui semblait faite exprès pour un duel. Les charbonniers y avaient brûlé le bois d'une vente abattue l'hiver précédent. L'herbe seulement commençait à sortir de la terre noire de cendres. Sur un espace de 1500 à 2000 mètres, il n'y avait pas un seul arbre, ni une seule épée. On choisit les pistolets apportés par le prince et l'officier les chargea. Les deux adversaires étaient extrêmement pâles, mais ils paraissaient l'un et l'autre également résolus. L'approche du combat n'avait point amolli le cœur de Martel. Il était toujours, ainsi qu'il l'avait dit, décidé à tirer sur Maurice comme sur une bête malfaisante. Maurice avait apporté une gourde d'eau. Il se la versa sur les mains pour les rafraîchir et enlever toute trace de transpiration. Par là, on pouvait voir que lui aussi était décidé. Les témoins étaient graves et émus. Ils savaient que ce n'était point une lutte qui se terminerait par un déjeuner. Le sort avait favorisé Martel. Il devait tirer le premier. Lorsqu'ils furent en face l'un de l'autre, il abaissa lentement son arme, et en même temps qu'on entendit le coup, on vit le pistolet de Maurice lui sauter des mains. Il avait été atteint à la crosse par la balle. On prit un de ceux apportés par Liénard, et l'on replaça les combattants. Maurice tira, Martel chancela, et porta la main à son côté. « Blessé !» s'écria le prince. « Non, ou si je le suis, ce n'est rien. » En effet, il se tenait droit, et il refusa de se laisser visiter par Bouchereau. On rechargea les armes. Le prince était auprès de Martel. Il le vit pâlir. « Hâtons-nous !» lui dit Martel. « Je crois que je suis blessé. » Au même moment, on lui apportait son pistolet. Il le prit, mais il ne put se mettre en ligne. Il appuya sur le prince, un flot de sang couvrit son pantalon. Bouchereau courut, la balle l'avait pénétré entre la hanche et la dernière côte. Armande avait été surprise des façons contraintes de Martel. Ce n'était pas ainsi que d'ordinaire il la quittait. Pourquoi cette gêne? Pourquoi cette hâte à la quitter? Dans une âme tourmentée comme la sienne, les soupçons grandissent rapidement. Elle revint à la ferme. « Est-ce que Filevent est fatigué ? » demanda-t-elle au charretier. « Fatigué ? Il irait à Paris et reviendrait en 3 heures. Faut-il l'atteler ? La ponette ne boite pas, comme moi. » Il l'avait trompée. Elle n'hésita pas une seconde. Il se battait. C'était pour ne pas se trahir qu'il n'avait pas osé l'embrasser. Où se battait-il ? Où courir ? Où le chercher ? Elle resta livrée à toutes les tortures de l'attente, avec l'horrible certitude qu'à cette heure même, le duel avait lieu. Elle allait et venait par la maison, ne sachant à quoi s'arrêter. Il avait parlé de 2 heures d'absence, il allait donc bientôt revenir. Elle sortit, dans la plaine elle verrait au loin. Elle reprit le chemin qu'elle avait parcouru avec lui quelques instants plus tôt. C'était par là, sans doute, qu'elle reviendrait. Mais s'il ne revenait pas... À cette pensée, les forces lui manquèrent. Elle fut obligée de s'asseoir sur le bord du chemin. Autour d'elle, s'étalait une grande pièce de colza sur laquelle s'abattaient les troupes de corneilles. Elle se dit que si les corneilles passant entre 2 arbres qu'elle se fixa étaient en nombre pair, ils reviendraient, que si elles étaient en nombre impair, ils ne reviendraient pas. Mais elle était tellement troublée qu'elle comptait mal. Les corneilles volaient en bande, elle ne s'y reconnaissait pas. Cependant, dans son anxiété, elle tenait à ce moyen de savoir. 1, 2, 3, 4, elle en compta 18, ils reviendraient. Mais une volait lourdement derrière. Était-elle de la troupe? Alors c'était 19. C'était à perdre la raison. Il lui sembla entendre une voiture. Mais à quoi bon? Il était à pied. Cependant, une voiture avançait lentement. On entendait aussi un bruit de voix. Les moissons déjà hautes qui l'entouraient l'empêchaient de voir au loin. Elle marcha en avant. Au détour du chemin, elle reconnut les chevaux du prince. Auprès de la voiture marchait le prince lui-même. De l'autre côté, le docteur Bouchereau. Elle s'élança avec une rapidité vertigineuse. Il était étendu sur les coussins, la tête légèrement soulevée, les yeux fermés. On arrêta les chevaux. Elle escalada la voiture et le prit dans ses bras. Il poussa un soupir de douleur et ouvrant les yeux. « Oh, ma chère Armande » dit-il. Elle colla ses lèvres sur les siennes. Sa face, pâle comme le linge qui l'enveloppait, se colora un peu. « Je savais bien que je vivrais jusque-là. » Il attacha sur elle ses yeux hagards. « Julien, » dit-il. Elle n'osait pas parler, elle le regardait. Elle sentit sa main crispée se détendre et peser inerte dans la sienne. Elle se pencha sur lui. Son regard était immobile, sa bouche ouverte ne respirait plus. Elle poussa un grand cri et s'évanouit.